διέδρα Bonsoir, chérie, bonsoir. Oh, bonheur perdu tout le long de l'avenue. Ton cœur s'est affolé. Un soir, je t'ai rêvé. Quand le jour s'enfuit et nous poursuit de ci, de là, va pêcher mon cœur. Dans la rue, dans la cohue, un soir tu reviendras, un soir chérie. Voici l'amour vécu qui marchait là-bas tout nu, cherchant sa délivrance, chérie, mon espérance. Le jour s'enfuit et nous poursuit de ci, de là. Va pêcher mon cœur dans les splendeurs qui le lira. Oh, bonheur dans la rue, dans la cohue, un soir tu reviendras, un soir chérie, bonsoir. Voici l'amour vécu qui marchait là-bas tout nu, cherchant sa délivrance, chérie, mon espérance. fuit et nous poursuit de ci, de là.